baby booby, booby bimab. L'ourson, l'ourson, pas. Et encore, ton pas. Rien par échauffé. Oh, rien, baba. Baby booby, booby bimab. L'ourson, l'ourson, pas. New wishes, more.